Je suis au quartier de Belbex où il y a des petits commerces auxquels les gens se rendent donc un dimanche matin pour faire des courses, essentiellement des femmes. Vous, quelle est votre colère à vous? Qu'est-ce qui vous met en colère? Tous ces gens qui ne travaillent pas, déjà, je trouve que c'est un peu dramatique. J'ai eu une grande colère aujourd'hui. Un autre jour, je l'avais. Mmh. Un jour, je l'avais. Tu veux bien nous raconter? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Ce qui m'a rendu en colère, quand mon frère me veut jouer avec moi que je veux pas. Parce que nous, on joue tranquillement. Au loup glacé, il y a la petite boule rousse et il veut pas que... Mais dans l'immense majorité de notre camp social, pardon de le dire, il y a beaucoup trop de collègues qui attendent un petit peu que les autres fassent à leur place. Qui attendent que ça soit les autres qui puissent régler ces problèmes-là et qui se sentent solidaires du mouvement-là. Et à ceux-là et à celles-là, fraternellement, on voudrait leur dire une chose. Cette année, on ne va pas gagner uniquement par la grève par procuration. Il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités. Et il y a mille manières de prendre ses responsabilités. En temps de grève. Action collective, mobilisation, pouvoir d'agir, rassemblement. Être ensemble autour de problématiques qui nous touchent. Changer de monde aussi et surtout. Mais comment faire? Comment changer le monde? Alinsky propose de partir de la colère, de nos colères. Ce qui me met en colère, ouais. Vraiment, c'est au niveau professionnel. C'est que pour le moment, j'ai l'impression qu'on est en train de, sous le couvert du discours de bienveillance, d'être malveillant et maltraitant avec des enfants qu'on est censé protéger. Je suis rentré dans le travail social avec beaucoup de conviction, qui était je suis à la disposition des personnes et des enfants, et je me rends compte que je ne suis pas à leur disposition, je suis à la disposition d'un système qui ne vise qu'à une chose, c'est de gérer la pauvreté plutôt que de permettre aux gens d'être citoyens face à leur vie, face à leurs difficultés, face à leurs malheurs. Pour Saul Alinsky, c'est la colère qui permet d'agir. Il était sociologue américain et il a mis en pratique ses idées en partant à la rencontre des habitants d'un quartier défavorisé de Chicago en 1939. Car pour lui, pour changer le monde et être tous et tout ensemble, il faut d'abord partir à la rencontre des gens. À mon sens, on n'arrive à rien sans colère. Mais point trop n'en faut. Parce que je vois que ça va quand même un peu loin, un peu trop loin. Hein? Je vais prendre l'exemple des Gilets jaunes. Autant c'était assez sympathique au début et on pouvait partager, autant quand on voit ce qui se passe, on ne peut plus accepter. En tout cas, votre colère, elle est plus contre les... Contre les excès. Quoi qu'ils s'expriment. Mais qu'est-ce que ça veut dire de casser des biens d'autrui sous prétexte qu'on ne partage pas leur approche. Moi aussi, des fois, quand j'ai vu la suppression de l'impôt sur la fortune, et que je vois ces gens se remplir les poches et que ma retraite n'augmente pas, je ne suis pas content. Mais je ne vais pas tout casser. On est sur un système capitaliste qui est excessif. On est d'accord. J'ai un peu l'impression, c'est vrai, que ces dernières années, le capitalisme a pris une part des profits dont une partie, à mon sens, aurait peut-être pu revenir au salaire. C'est vrai. Ce qui me met en colère, c'est de voir que les gens qui se font exploiter tapent sur ceux qui se font exploiter et pas sur ceux qui exploitent. Ces gens qui pensent à leur gueule. Et est-ce que tu as une colère par rapport au monde ou à des gens? La pollution. La pollution, la montée des eaux, le réchauffement climatique. Voilà. Toi, ça serait quoi qui te met en rogne, quoi? Peut-être qu'on t'a déjà donné cette réponse, mais les cons. Les cons, ça me fout en colère. T'as des noms? Non, j'ai pas de nom, non. Non, je préfère garder l'anonymat. Mais moi, si j'étais capable, j'irais bien manifester avec eux. Parce que franchement, je pense que là, ça tombe à l'eau. Hein. On va perdre tout ce qu'on avait acquis et on n'aura plus rien. Le point de départ pour améliorer le monde, ce serait donc d'observer, d'écouter, de tisser des liens entre les gens, de tisser les colères. Car la colère, c'est bien elle la source de motivation, la force qui nous permet de passer à l'action. Parce que la colère, elle correspond à quelque chose qui nous touche directement.